scientifique actuel dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, l'émission de Paul Sarrèche, Le Progrès et la Vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Virginie Mourtet. Nanterre, que c'est loin, pas dans le temps, le problème n'est pas là. Du reste, nous vivons dans cette série chaque millésime au présent. Si Nanterre est loin, c'est que l'on parle, en ce début 1968, de la faculté de Nanterre. La faculté est loin du centre de Paris. Les étudiants s'y sentent exilés. Les étudiants, à propos, quelle est majoritairement leur origine sociale? Quels sont leurs engagements dans le passé récent, s'ils en ont eu? La guerre d'Algérie n'a pas disparu des consciences. Et puis, il y a le Vietnam, la mort récente de Che Guevara, l'hostilité au PCF, aux trotskistes également. Le mouvement du 22 mars était tout naturellement, tout chronologiquement, le sujet du premier volet de la série « Chronique de mai » de Dominique Chagnolot. Le mouvement du 22 mars, il ne se posait pas comme un mouvement constitué, mais comme une action d'infiltration, d'orientation des autres mouvements constitués. Meeting, visite de Rudi Dutsch, le groupe Occident en embuscade, les Mao, les situationnistes, la fermeture de la fac. Le deuxième volet de la série, Chronique de mai, relatait le passage à l'Est, en quelque sorte. On quittait Nanterre, la banlieue ouest, pour le centre de Paris. Sorbonne occupée, Sorbonne évacuée, le mouvement s'étendait à l'ensemble des universités françaises. Le pouvoir politique hésitait. L'occupation du quartier latin, la première nuit des barricades, nous étions au tout début du mois de mai. Qu'allait-il se passer ? Nous étions au tout début du mois de mai ? Non, nous sommes au début du mois de mai. Que va-t-il se passer entre le 13 et le 18 mai ? Chronique de mai, une série de Dominique Chagnolot, réalisation Jean-Jacques Vierne. Mais Paris, mais Paris. Chronique de mai. Mais Paris. Une série de Dominique Chagnolot, réalisée par Jean-Jacques Vierne. Troisième émission, étudiants et ouvriers. Avec Georges Segui, secrétaire général de la CGT, Maurice Grimaud, préfet de police, Alain Crivine, jeunesse communiste révolutionnaire, René Bonetti, CFDT, Jacques Rémy, étudiant à la Sorbonne, Alain Hébert et Yves Roqueton, force ouvrière Nantes, Yvon Chotard, UNEF Nantes, Pierre Chaunu, professeur à Caen, Michel Jobert, directeur de cabinet de Georges Pompidou, Jacques Sauvageau, UNEF, Henriette Asseo, du mouvement du 22 mars, et les voix de Édouard Balladur et Alain Gesmard. Ce fut un grand moment de cette période, des événements du mois de mai, cette manifestation du 13. Mais il est important de savoir de quelle manière elle a été décidée. Georges Segui. C'est dans la nuit des affrontements de la rue Gay-Lussac que la CGT a élevé une véhémente protestation et a proposé à toutes les organisations syndicales de se rencontrer dès 10h le matin de ce jour-là pour décider de la riposte en commun à opposer à cette violence policière qui se déchaînait contre les étudiants. Et nous avons finalement, au lieu de consulter les uns et les autres, d'ailleurs c'était difficile, personne ne se trouvait dans son siège, nous avons purement et simplement convoqué tout le monde à la Bourse du Travail à 10h. Et à cette réunion, nous sommes arrivés avec une proposition mûrement réfléchie. Et j'ai dit à tous les participants, nous vous proposons d'appeler tous les travailleurs de France à une grève de 24 heures pour le 13 mai. Ce fut un événement en soi, déjà, puisque personne ne s'attendait à une telle proposition. Beaucoup ont rejeté, a priori. D'autres ont demandé à réfléchir. D'autres ont demandé, plutôt que de faire une grève, de s'adresser solennellement ensemble au gouvernement, au ministère de l'Intérieur. Et voyant tout cela, nous avons dit, écoutez, nous vous laissons un délai jusqu'à midi. Et si à midi, vous n'avez pas donné de réponse, la CGT lance toute seule, pour son propre compte, sous sa responsabilité, cet ordre de grève de 24 heures, en solidarité avec les étudiants et pour les revendications des travailleurs. Et à midi, moins le quart, Descamps me téléphonait en me disant qu'il était d'accord avec le texte, que la CFDT participer, donc s'engager avec la CGT dans cette action, ce qui fut suivi par la FEN, mais pas en commun, avec la CGT et la CFDT. Et ensuite, TFO s'est rallié à cette manifestation, mais il faut dire que l'UNEF, prétendant être déjà en action et en grève, n'a pas lancé elle-même ce mot d'ordre. Et nous savons comment les choses ensuite se sont déroulées avec cette puissante manifestation du 13 mai, qui a été un événement important, je me crois même décisif, car ce fut le jour où la classe ouvrière, finalement, entrait en masse dans le mouvement de mai. À ce moment-là, la CGT était obligée de coller au mouvement. Donc elle a accepté effectivement de participer à ces réunions, qui étaient ces réunions préparatoires à la manifestation du 13 mai. Jacques Sauvageau. Qui était au départ, disons, un peu une manifestation, principalement de protestation contre la répression. Donc elle ne pouvait pas ne pas être présente à la manifestation. Mais très vite, et là elle a eu les moyens, à partir du moment où la grève s'est développée dans les usines, elle a cherché à circonscrire le mouvement à l'intérieur des usines. Et nous avons eu peu de rapports avec la CGT, dans la mesure où, y compris au niveau de tout cet aspect que nous cherchions à développer de liaison étudiants-ouvriers, la CGT a eu une attitude très fermée là-dessus, à la différence de la CFDT. Le 13 mai, c'est un peu justement la conséquence de cette fameuse nuit des barricades où il y a eu quand même pas mal de blessés, qui a été un peu justement une manifestation de protestation contre les violences policières. Mais l'histoire, des fois, pose des dates. Hein, et comme le 13 mai, c'était aussi l'anniversaire du retour de De Gaulle, le 13 mai est devenu aussi, en même temps, du même coup, De Gaulle étant toujours au pouvoir, une manifestation anti-gaulliste. Et donc, il y a eu d'un cran, une politisation extrêmement rapide qui s'est faite justement par rapport au pouvoir. Je me souviens d'un tract très beau qui avait été écrit avec Jean-François Lyotard, qui s'appelait « Nous occupons les facultés, vous occupez les usines ». Jacques Tarnero. Un tract du mouvement du 22 mars et qui était un espèce d'appel très fraternel à étudiants, ouvriers, même combat. On y était justement en tant que mouvement du 22 mars avec ce tract. Et on est noyé dans ce cortège gigantesque, absolument gigantesque. Et c'est aussi peut-être le moment où pour certains, le fait que les syndicats ouvriers embrayent, appellent à la chose, qui a je ne sais plus combien de millions de personnes, c'est l'apothéose. Si je dois me remémorer ce que je pensais à l'époque... Je me souviens de ne pas bien comprendre la dimension de ce qui est en train de se mettre en place. Ça m'apparaît comme énorme, mais je me demande d'ailleurs qui maîtrisait quoi que ce soit. Maurice Grimaud. Ça a été aussi une journée très, très inquiétante, très préoccupante pour le gouvernement, puisqu'en effet, arrivait ce que l'on pouvait le plus redouter, c'est-à-dire c'était l'union de cette jeune force qui venait de se révéler, qui était la force étudiante, des jeunes, la jeunesse et étudiants, et puis les forces traditionnelles amenées par les grandes centrales syndicales qui représentaient le monde ouvrier, enfin au sens très large du terme. Voilà. C'était la première fois que les deux forces se réunissaient, et cela donnait à réfléchir. Je rappelle que monsieur Pompidou venait de rentrer, la veille ou l'avant-veille, venait de rentrer d'Afghanistan. Il a donc eu à suivre et à constater cette journée. L'action de M. Pompidou, je pense, conçue dès ce moment-là, a été d'éviter tout à fait que ne se perpétue cette réunion. Monsieur Pompidou, autant que je puisse reconstituer les choses et telles que je les voyais, que nous les vivions les uns et les autres à l'époque, me semble avoir fait une double analyse, une bonne analyse de la situation. D'une part, du côté étudiant, il a adopté dès ce moment-là une attitude, je ne dirais pas compréhensive, mais c'est un peu cela, c'est-à-dire une attitude non brutale dans la répression. Il faut le savoir, parce que on a beaucoup épilogué sur les attitudes des uns et des autres. On m'a très souvent considéré comme le préfet de police qui avait évité les événements sanglants, etc. Je suis plus modéré sur ce genre d'appréciation. Mais c'est un fait que le chef du gouvernement, dès ce moment-là, marque bien son souci de ne pas aller à des affrontements sanglants avec les étudiants. Le 13 mai, le pouvoir était à prendre. Michel Jobert. Il était à prendre car le pouvoir n'avait pas décidé de faire tirer sur des manifestants. Et quand la manifestation qui s'est théoriquement dissoute au Lion de Belfort est revenue, je dirais, sur les beaux quartiers gouvernementaux via le Champ de Mars et l'Esplanade des Invalides, et que nous avons fait en catastrophe, barré par 2-3 rangs de gendarmes, le pont des Invalides, pour qu'il n'aille pas sur l'Elysée, tout était possible. Les choses pouvaient mal tourner, elles auraient pu mal tourner, notamment le 13 mai, c'est certain. Édouard Balladur. Parce que ce qui a caractérisé ces événements, c'est qu'il y a eu un mouvement d'insatisfaction et de révolte étudiante qui a conduit à des violences et qui a conduit à un phénomène de solidarité d'une grande partie de la population avec les étudiants. Et c'est là qu'il y a eu une période très dangereuse pour le gouvernement, je dirais pour l'équilibre de la France. Et tout l'effort de Georges Pompidou a été d'essayer que chacun se reprenne et que cette union de la population autour des étudiants, union qui était un petit peu, je dirais, un peu passionnelle, un peu émotive et sentimentale, qui était un peu la conséquence de la première nuit des barricades, celle du 11 mai, que cette union se dissolve. En province, le 13 mai, nombreuses manifestations. Au Havre et à Rennes, occupation de la faculté des lettres, à Lyon, défilé rassemblant 35 000 personnes, 40 000 à Toulouse. À Strasbourg, occupation du rectorat. À Nantes, la manifestation est placée sous la présidence de l'UNEF. Yvon Chotard. Il y avait une espèce d'attirance, disons, pour le mouvement anarchiste, mais davantage une attirance sur le mode historique ou de sympathie. Il y avait, sur le plan organisationnel, il n'y avait rien avec personne. Et il n'y a jamais rien eu. On voulait étendre le mouvement. On voulait qu'il sorte de l'université et qu'il s'étende aux usines. C'était ça notre idée. Et le 13 mai nous intéressait à cause de ça. Je me souviens, c'est moi qui avais fait le discours le 13 mai. Et j'avais failli me faire casser la gueule par des camarades de la CGT en faisant le discours. Et c'était mes camarades de FO, c'était, peu importe les noms, qui disaient, non, vas-y, termine ton discours. Bon, dans le brouhaha, je ne sais pas si tout ça avait été bien perçu, mais enfin, c'est pour donner une idée de l'état d'esprit dans lequel nous nous situions à ce moment-là, et puis l'état d'esprit dans lequel c'était perçu par la CGT, qui à cette époque-là encore n'avait qu'une perspective, bloquer le mouvement. Bon, ça n'avait pas été possible, compte tenu de l'émeute de Paris, et puis de la charge émotionnelle considérable que ça avait entraîné dans tout le pays, ça n'avait pas été possible de ne rien faire. Ils avaient donc accepté le mot d'ordre de grève générale et de mobilisation de 24 heures. Mais ils voulaient arrêter là. Pierre Chaunu, professeur à Caen. Quand on a vu SS égale CRS égale SS, figurez-vous que des gens de notre génération qui avions eu affaire au SS, eh ben, véritablement, comme je leur avais dit tout de suite, vous savez, véritablement, mes petits chéris, alors figurez-vous que c'est pas du tout la même chose. Hein? Bon. Parce que les SS, nous, on sait ce que c'est. Et j'ai pas besoin de vous dire que de toute façon, eux, ils n'y allaient pas avec des bâtons, etc. Et si vous aviez effectivement devant vous des SS, vous seriez mort depuis longtemps. Et de toute façon, vous auriez véritablement fermé votre petite gueule. Bon. Alors ça, naturellement, c'est un petit peu, je retrouve, je veux dire, mon discours de l'époque. Hein. Bon, c'est, alors je dis ça, écoutez, ça, c'est des choses que je n'admets pas. Vous comprenez, ça, de toute façon, ça colle pas. Hein. Alors, pas de paquet de deals, si vous voulez, pas de trucs là. Encore une fois, bon, c'est ramenons les choses à leur proportion. Pour moi, le plus grand symbole de la civilisation, ce sont ces CRS sur lesquels on lance des boulons, et si vous voulez, et qui ne répondent pas avec des balles. Eh bien, je vous assure que c'est un sacré luxe. Ils étaient tous FGDS, mes chers collègues. Et puis moi, je n'étais pas FGDS, justement. C'est très drôle. Vous savez, c'est extraordinaire. Mais je vous ai donné les éléments les plus durs et les plus réactionnaires du syndicat autonome. Et je n'ai pas besoin de vous dire que c'était des gens de gauche, vous savez, juste avant les événements de mai. Alors on s'est retrouvés, je dois dire, ensemble, mais ça a été étrange. Je vous assure que le jour où je me suis retrouvé avec Frédéric Durand, il m'a dit, bah, sacré nom d'une pipe, j'aurais jamais cru, si vous voulez, que je me retrouverais avec un gaulliste. Bon, eh ben oui, ça paraissait assez étrange. C'est pas qu'il y avait pas du sang entre nous, mais si vous voulez, dans le fond, et alors il y a eu ce phénomène où j'ai vu vraiment le sommet de la hiérarchie universitaire qui voulait bien être contre, je dois dire, la hiérarchie sociale, à condition, bien évidemment, qu'on ne touche pas au fonctionnement de l'université. Et parce que ça leur paraissait impossible qu'on touche au fonctionnement d'université. Parce que les choses étaient comme ça, si vous voulez. Et que par contre, moi, très rapidement, je me suis dit, mais naturellement, c'est très grave ce qui se passe là. Parce que finalement, ce qui est en train de se passer, mais figurez-vous, c'est pas la destruction de l'État. Dans une certaine mesure, c'est la mise en cause de la société civile. Et ça, c'est beaucoup plus important, en quelque sorte, que l'État. Ah, mais il y en a qui crevaient de trouille! Ah bah, écoutez, vous me demandez si mes collègues ont eu peur, mais ils n'avaient pas peur, mon cher ami, ils étaient la peur. Quelle question, j'allais vous dire, mais enfin, c'est une question stupide, mon cher collègue, que vous me posez là. Ils suaient de peur, ils croulaient de peur, mais justement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a bouclé, et je leur disais d'ailleurs... Mais je leur disais, mais moi, mes petits-enfants, mais vous savez bien que je vous aime bien, que de toute manière, et que de toute façon, vous savez bien que de toute façon, le jour où on vous embêtera plus tard, parce qu'on va gagner, on gagnera, je dis, et à ce moment-là, c'est moi qui vous défendrai. Vous savez très bien, de toute façon. Mais vous voyez, mais je dis, mais eux, mais s'ils ne vous disent rien, mais ils vous traitaient mal avant, mais maintenant, ils suent de peur, ils croulent de peur, vous leur foutez la trouille, mais moi, j'ai pas peur, justement. Voilà, c'est tout. Il y a deux minorités. Il est incontestable que la minorité, enfin, la tête de laquelle je me suis trouvé, mot à mot, était la minorité vraiment. Mais en face, ce n'était qu'une minorité. Et puis, il y avait entre les deux, il y avait les veaux. Hein. C'est quand même l'énorme majorité. Et c'était pas aux hormones, si vous voulez. Mais il y avait entre les deux les veaux aux hormones. Et de toute façon, il y avait une majorité de collègues qui avaient la trouille. Écoutez, faut quand même appeler les choses par leur nom. Enfin, il faut appeler la trouille, et il faut appeler les veaux des veaux. Bon, allons. Et le reste, c'est de la littérature. « 14 mai, séquestration du directeur de Sud Aviation à Nantes. Alain Gismard. Ce qu'il y a de spécifiquement français, c'est l'articulation du mai des étudiants avec un mouvement qui est un mouvement populaire, effectivement, qui sont les grandes manifestations comme celle du 13 mai, qui est la grève générale, et le début de quelque chose qui va trouver son ampleur par la suite et qui va amener progressivement à l'IPS, c'est-à-dire le mouvement des séquestrations, qui démarre très tôt en mai, et qui est bloqué par un dialogue entre Segui et le patron d'une usine séquestrée, et Segui lui disant, enfin, qu'est-ce que c'est? Et non, il ne faut pas vous séquestrer, nous sommes tout à fait contre, etc. Je crois que c'est simple, la garde à vue, c'est un grand mot. Yves Rocton. La garde à vue du directeur, il occupait son usine comme nous, après tout, le directeur fait bien qu'il reste là surveiller les machines, c'est fait très simplement dans la mesure où tout était bouché. Tout était bouché, et comme le directeur était l'homme chargé de transmettre les revendications avec sa direction générale qu'il ne trouvait mais encore, il était là pour attendre la réponse de sa direction générale, et il a attendu le temps qu'il a fallu qu'il attende. Alexandre Hébert. Duvauchel étant gardé à vue, j'ai été invité, convoqué par le maire de Nantes, qui s'appelait André Maurice, avec qui j'avais de bons rapports, qui m'a reçu fort aimablement en disant, mon cher ami, vous êtes un démocrate. J'ai dit, oui. Et il m'a dit, vous ne pouvez pas accepter que M. Duvauchel soit sa liberté, soit individuelle, soit remise en cause, vous êtes pour la liberté individuelle. Et voilà la réponse que je lui ai faite. J'ai dit, M. le maire, d'abord, premièrement, je vous félicite de votre démarche. Un membre de votre classe est incarcéré, il est gardé à vue. Vous me demandez à moi de le faire libérer. C'est une démarche tout à fait honorable, et j'en ai fait des dizaines comme ça au cours de mon existence de militant. Malheureusement, et encore aujourd'hui, dans vos prisons, il y a des militants ouvriers qu'on n'a pas pu faire sortir. Alors, quant à M. Duvauchel, moi, je pourrais vous répondre que je n'ai pas les moyens de le faire libérer, ce qui était vrai, d'ailleurs, même si j'avais demandé à Roqueton à l'époque, je me serais fabriqué sur le mur. Mais je ne suis franc, je vous dirais que je suis pour. Je suis pour parce que le maintien de la garde à vue, M. Duvauchel, est un des éléments de la réussite de la grève. J'étais interviewé avec Eugène Descamps, à Europe numéro 1, radio périphérique, et ce monsieur Duvauchel se trouvait être séquestré par les travailleurs de son entreprise. Et il avait exprimé le désir de me téléphoner pendant l'émission, ce que c'est les gens qui le séquestraient avaient autorisé, et nous avons eu un dialogue pour dédramatiser cette situation, finalement. C'est pourquoi je lui ai demandé s'il était libre de s'alimenter normalement, etc. C'était un petit peu amusant. Et je dois dire que, à la question qui m'était posée par M. Duvauchel, êtes-vous d'accord oui ou non avec ces méthodes de séquestration, j'ai répondu je ne suis pas d'accord, je désapprouve. Le lendemain, les travailleurs se sont réunis, ont été consultés, ont voté, et il a été immédiatement libéré, car les travailleurs ont pensé qu'il ne fallait pas maintenir cette séquestration. Effectivement, nous ne voulions pas que le début du mouvement s'oriente contre les cadres supérieurs, alors que le mouvement avait une toute autre signification et se fixait des objectifs autrement plus importants. On avait, à la lumière des expériences précédentes, on avait conçu, on avait mis au point, dans chacun des grands secteurs du pays, des plans de substitution, qui portaient d'ailleurs, de façon amusante, des noms de la mythologie en général, ce qui m'a permis de plaisanter en disant qu'ils étaient un peu mythiques, en fait, car on a constaté très vite que ces plans avaient été certainement très bien conçus, mais n'étaient pas du tout adaptés à la réalité. C'est une grande leçon, n'est-ce pas, pour un pays de savoir que dans des périodes où non seulement les troubles dans la rue, mais surtout la paralysie s'empare de tous les appareils de production et de distribution, c'est une grande leçon que de savoir qu'un gouvernement peut être obligé d'abandonner la partie par une espèce de paralysie ou d'anémie généralisée. Pourquoi ces plans ne fonctionnaient pas? C'est parce qu'il avait été prévu dans un premier temps que l'on pouvait réquisitionner un certain nombre de fonctionnaires. Le gouvernement a hésité à le faire. Il y avait le précédent de la réquisition des mineurs par M. Pompidou. Et il s'en souvenait de façon un peu cuisante. Lorsqu'il n'y a plus possibilité de réquisitionner les agents, publics ou privés, il n'y a plus qu'un recours, c'est de s'adresser à l'armée. Et il était prévu, en effet, que l'armée pouvait assurer un certain nombre de secteurs. Je pense à un que j'ai bien connu par la suite, qui est le secteur de la navigation aérienne. C'était donc à l'armée à prendre en compte. Mais l'armée n'était pas adaptée. Il faut reprendre, pour avoir une idée précise, la déclaration de la CGT au soir du 13 mai, qui appelait toutes les organisations et tous les syndicats de France, toutes les professions, à réunir les travailleurs sous les lieux du travail et leur proposer les formes de la poursuite de l'action, car nous avions très bien senti au soir du 1er mai que ce jour-là, les travailleurs étaient prêts à s'engager dans une action beaucoup plus importante que la simple grève de 24 heures, qui fut un énorme succès avec une participation extrêmement massive de tous les salariés. Et nous avons suffisamment l'habitude de ces sortes de situations pour avoir compris que nous étions sur le point de nous lancer dans un mouvement de plus grande envergure. Mais nous n'avons pas voulu lancer de mots d'ordre de grève comme confédération pour que les travailleurs, justement, puissent démocratiquement en discuter, se prononcer et voter démocratiquement leur engagement dans la grève et l'occupation des usines. Ce qui fait que la grève n'était pas la propriété d'une confédération, mais la propriété des travailleurs qui l'ont, d'un bout à l'autre, sauvegardé de toute déviation, de toute tentative de récupération et qui l'ont amené aux négociations que l'on connaît jusqu'à Grenelle et par après Grenelle, dans toutes les branches professionnelles. Pour nous, la lutte des étudiants dans les universités pour faire en sorte que l'université se démocratise, à la fois dans son recrutement, mais aussi dans les rapports entre enseignants et enseignés. Roger Bonetti. Ce bouleversement-là a été ressenti à la CFDT comme un ballon d'oxygène où, dans les entreprises françaises également, les travailleurs voulaient accéder eux aussi à être reconnus dans l'entreprise en tant que travailleurs et en tant que citoyens. L'entreprise devait trouver sa citoyenneté, nous disions. Nous avons lancé à l'époque le mot d'autogestion. Beaucoup y ont cru une référence à la Yougoslavie, mais ça n'était pas directement le problème. Ça n'était pas un problème de structure même juridique de l'entreprise. C'était essentiellement une volonté de faire en sorte que dans l'entreprise, le travailleur citoyen puisse effectivement s'exprimer. La CGT voyait des gauchistes partout, qui surgissait à tous les coins de rue. C'est vrai qu'il y avait des mouvements gauchistes, c'est vrai qu'il y avait peut-être, il y avait aussi des groupuscules, comme on disait. C'est vrai que le mouvement n'était pas un mouvement traditionnel, de revendication traditionnelle, mais il faut comprendre qu'il y avait là une société bloquée depuis de nombreuses années, que ça craquait de partout. Tous les leaders des groupuscules, Henriette Asséo, qui avaient un discours politique dont je maintiens, qui voulaient bien être ouvriéristes quand il s'agissait du tiers-monde, mais s'intéressaient absolument pas à ce qui se passait en France, et sûrement pas à l'état des ouvriers de Flins, de Sochaux, de tout ce qu'on voudra, découvrent qu'il existe un mouvement ouvrier en France. Alors ça, c'est véritablement ce qui est né de la grande manifestation du 13 mai. Alors fébrilement, ils redécouvraient le thème de la grève générale, du grand soir, de l'anarcho-syndicalisme, alors cette fois-ci d'avant 14. Et tout de suite, les étudiants dits révolutionnaires ont posé le problème en ces termes. Abandonnons les universités, ça ne nous concerne pas, ça ne concerne qu'un milieu petit bourgeois, rejoignons la classe ouvrière, car celle-ci va se faire récupérer. Et c'était ce thème de la récupération qui apparaissait après le thème de l'autonomie ou de l'autogestion, vont se faire récupérer par les appareils syndicaux. Vous travaillez à quoi? Foutre la merde? Tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Tu as dit toi-même que dans les communes. Mais pardon, il a dit tout à l'heure qu'il était dans les communes et qu'il y se mêle, bordel. L'as-tu dit ou non? Je t'ai dit que j'ai foutu. L'as-tu dit ou non? Attends une seconde, tu permets? J'ai dit que je foutais le bordel sur des mecs qui préparaient des réformes depuis 6 mois et qui ne regardent pas quelle est la situation politique actuelle et qui n'en prennent aucun compte et qui regardent leurs petites réformes bourgeoises qu'ils ont préparées depuis X temps et qui veulent s'intégrer là-dedans. Et uniquement la contestation, et ça ne débouchera sur rien. L'université a un rôle de contestation. Il faut que la contestation débouche non seulement sur la destruction, mais ensuite sur autre chose. Autrement, ce n'est pas la peine de lutter. Au diable, les démagogues, ça va bien. Les problèmes universitaires, vous ne les réglerez pas seulement dans l'université en tant qu'étudiant. Il faut commencer par quelque chose. Mais pas par là, pas par là, par une contestation politique. C'est de l'irréalisme. La contestation politique peut être faite à la faculté, mais l'université est parfaitement capable d'être révolutionnaire et de former des gens tout à fait nouveaux. Il faut commencer. Tu n'es déjà pas révolutionnaire, toi. Tu n'as aucune idée politique à la base. Tu n'as aucune formation politique. Je ne te le reproche pas. Mais comment tu ne regardes que tes problèmes d'étudiants. Et c'est pas ça qui est intéressant. Je suis aussi fils d'ouvrier, malheureusement, il s'en prenait beaucoup à Nanterre. Je connais. Je sais en gros qu'il y a certains problèmes qui sont liés à d'autres. Mais il faut commencer par un bout. Mais c'est un truc politique. Mais oui, mais la contestation politique, pour vous, elle ne vise pas seulement le régime, c'est une contestation idéologique. Vous récusez la société, je suis bien d'accord avec vous. Mais qu'est-ce que vous voulez mettre à la place? Votre programme est absolument fumeux, ça ne signifie rien. C'est de l'utopie, c'est ça que je vous reproche. Nous sommes étudiants. Ce serait utopique si on avait un programme défini, mais on n'a pas de programme défini. C'est... Voilà, nous, si tu veux, les gens qui sont d'accord pour transformer totalement l'université dans un sens révolutionnaire. On a... Qu'est-ce que c'est que ça, un sens révolutionnaire? Il n'y a jamais eu véritablement de, comment dirais-je, dans notre jargon, on dirait, de phénomène d'auto-organisation de la grève. Alain Crivine. Les cheminots qui dirigent démocratiquement leur grève, qui font des coordinations, des comités de grève, les étudiants qui se donnent des coordinations, des délégués élus révocables. En 68, très franchement, il n'y a pas eu un chouïa de démocratie dans la direction du mouvement. Enfin, moi, j'y étais. On avait des réunions tous les matins en tant que représentants de syndicats et d'organisations politiques. On décidait le type de manifestation qu'on allait faire. Et puis après, comme Mendit montait sur la statue d'Enfer Rochereau avec son haut-parleur, faisait semblant de demander aux gens où ils voulaient aller, comme c'est lui qui avait le micro, c'est lui qui décidait. Mais je veux dire, il n'y a jamais eu de véritable comité de grève élu, surtout chez les étudiants, il n'y avait rien de tout ça. Il y avait des grandes AG, des grandes assemblées générales, tout le monde racontait ce qu'il voulait, mais il n'y avait pas de structuration démocratique de la grève du tout. Ce qui a permis d'ailleurs aux directions syndicales, qui n'avaient jamais lancé de mot d'ordre de grève, mais d'être capable de la faire cesser. Comment vous l'expliquez, ça ? Cette absence d'auto-organisation, oui. De comité de grève, d'abord, je crois que c'est quasiment pas du tout dans les traditions, ou très peu, dans les traditions du mouvement ouvrier, dont la plupart des luttes étaient toujours dirigées par les directions syndicales, unies ou désunies, mais je veux dire, avec une présence très grande des formations politiques, donc c'est pas du tout dans les traditions. Et je crois aussi que c'est lié un peu à la soudaineté d'un mouvement, aucune préparation, disons, en termes politiques, en termes de pratiques même, de lutte préalable, poussant à la démocratie dans le mouvement, et finalement à une politisation relativement faible. Les étudiants ne savent pas ce qu'ils veulent, c'est vrai. On sait en tout cas une chose, c'est qu'on ne veut pas ce que tout le monde nous propose jusqu'à maintenant. On ne veut pas de réaménagement. Qu'il y ait 600 mandarins, qu'il y en ait 600 000, ça ne change rien. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait plus de mandarins. Et on va trouver le moyen qu'il y ait 600 000 ou 1 million ou des millions de types qui sachent, qui aient du savoir, qui réfléchissent et qui ne soient pas des mandarins. N'importe quel ouvrier qui montait sur la tribune de l'Assemblée Générale à la Sorbonne et qui commençait son intervention en disant qu'il était ouvrier, même si c'était, je dirais pas le dernier des clodos, mais qui n'était pas du tout ouvrier, était acclamé immédiatement, il avait tous les droits, parce qu'il y avait une espèce de volonté des étudiants de faire la jonction avec la classe ouvrière. Hein. La Sorbonne est occupée depuis le 13 mai. Jacques Rémy. S'occuper du service d'ordre de la Sorbonne occupée, c'est une tâche impossible. Il faut bien dire ce qui est. Penser l'idée même de service d'ordre était absurde. Néanmoins, il fallait en faire. Organiser des bricoles, du moins faire en sorte que les choses ne se désorganisent pas trop, que tout ne parte pas dans tous les sens, mais tout partait dans tous les sens de toute façon, et heureusement d'ailleurs. C'était, comment dire, le fantasme permanent, les tunnels, il y a des gens dans les tunnels qui sont là, les flics sont en train de pénétrer par les tunnels, c'était, il y a un camion d'armes qui tourne autour de la Sorbonne, il faut aller le chercher. Très tôt, dès le début, je recueille par différents informateurs l'information selon laquelle les jeunes sont persuadés que la police a tué des jeunes manifestants et les a fait disparaître. On les a fait disparaître, on les a noyés dans la Seine, etc. Alors, ce mythe des disparitions va jouer un grand rôle. C'est-à-dire qu'il est une des explications de la grande violence des affrontements. Les jeunes sont persuadés qu'ils ont affaire avec eux, cette troupe en face d'eux contient des assassins, et il y a quelque chose de cynique, n'est-ce pas, dans le gouvernement, le pouvoir, finalement le préfet de police. Ça me valait d'ailleurs dans les premiers jours, quand on défilait sous les fenêtres, le 13 mai, j'avais laissé mes fenêtres grandes ouvertes pour éviter qu'elles ne soient cassées par des cailloux, mais j'entendais, et tout le monde entendait, Grimaud assassin, n'est-ce pas, comme un leitmotiv. C'était ce mythe-là. Il a fallu arriver assez loin dans le mois de mai, peut-être vers le 20, pour qu'on finisse par nous donner la liste des disparus, et nous aurons pu très rapidement tous les retrouver, mais démontrer que tout ça a été complètement fallacieux. Alors c'était probablement la résurgence de ces bruits qui revenaient, et qui faisaient penser qu'on se conduisait ainsi. De même, il y a eu toute une polémique sur les gaz de combat. Quelqu'un a lancé l'idée que les gaz lacrymogènes que lançaient nos grenades étaient des gaz de combat. Alors toute une polémique, persuadé que c'était des gaz de combat et qu'on cherchait à tuer, à empoisonner. Alors là aussi, il a fallu discussion de savants, de laboratoires, d'analyse, etc. pour en venir à bout. C'est pour dire combien ces choses-là peuvent jouer un rôle important. Mais du côté gouvernemental, je retrouvais aussi les obsessions mythiques. C'est ainsi qu'il y a eu constamment, que revenait constamment l'idée que tout cela relevait d'un complot international. Alors l'autre crainte, à mon avis également mythique, c'était que le Parti communiste et la CGT ne prennent le pouvoir. Alors j'ai été mis en garde à plusieurs reprises, on me téléphonait ou de la place Beauvau ou de Matignon pour m'alerter sur le fait que dans telle manifestation, on pouvait redouter que la CGT ne fasse un mauvais coup sur s'empare de quelques bâtiments et autres. Je suis surpris de ces choses-là, parce que mon analyse me montrait qu'objectivement, il se trouvait que dans les événements de mai 68, le Parti communiste et la CGT étaient les alliés du gouvernement. Ce rôle des mythes et des grandes peurs est quelque chose qu'il faut aussi avoir présent à l'esprit, et qui joue certainement son rôle dans tous les événements de cette sorte. Et 1000 événements comme ça, sans compter... qu'il fallait également veiller à ce que les différents groupes qui étaient présents dans la cour ne se tapent pas dessus, notamment les Palestiniens et les sionistes. C'était les Katangais sur lesquels on a dit pique-pendre qui étaient pour l'essentiel d'entre eux de jeunes prolos, mais avec quelques-uns qui étaient un peu... il y avait le chef qui s'était fait un passé mythique, d'où le nom de Katangais, parce qu'il racontait qu'il avait été mercenaire au Katanga, il n'en avait ni l'âge, ni les qualités, c'était un type un peu paumé, brave, etc. Non, moi, les Katangais ont eu, comment dirais-je, on a dit du mal, parce qu'on les a vus dans la dernière phase, surtout, qui était la phase où le mouvement se cassait lui aussi la figure, et quand les mouvements se cassent la figure, ce genre de gens se cassent la figure beaucoup plus vite. Mais dans la phase ascendante du mouvement, en fait, il faut bien dire qu'ils l'ont bien servi, il faut quand même leur rendre ça, et personnellement, j'ai eu d'excellentes relations avec eux, je les ai fait exécuter un certain nombre de consignes qu'ils exécutaient de manière très disciplinée, etc. Comme par exemple de tenir les portes ouvertes à certains moments où on avait des combats auprès de la Sorbonne. Certains d'entre eux s'étaient spécialisés dans aller chercher les blessés au milieu des flics. Il y avait un espèce de monstre qui s'appelait Nounours qui donnait des grandes baffes aux flics et qui récupérait des types qu'ils étaient en train de matraquer avec beaucoup de bon cœur, très gentiment et tout. Ce groupe a eu, il est aussi un espèce de raccourci de l'histoire du mouvement, hein, parce qu'il a été beaucoup plus vite dans tous ces trucs. Bon, c'est le problème du sous-prolétariat ou des prolos, ça, un peu, c'est-à-dire qu'ils montent très vite, ils redescendent très fort. Bon, Paris Match leur a donné de l'argent pour figurer sur les photos avec des armes diverses et variées, etc. Mais ils étaient beaucoup plus braves qu'ils ne paraissaient dans leur... Simplement, quand le mouvement s'est cassé la figure, alors là, bon, ils ont fait un certain nombre de bêtises. Il nous semble actuellement que 4 objectifs peuvent être proposés au mouvement étudiant. 4 objectifs destinés à alimenter les discussions qui ont lieu actuellement et qui vont avoir lieu au cours du début de la semaine. Ces 4 propositions peuvent se résumer brièvement de la façon suivante. Premièrement, instauration immédiate d'un pouvoir étudiant réel dans les facultés, pouvoir se traduisant par un droit de veto des étudiants sur toute décision prise. Deuxièmement, est subordonnée à ce premier point l'autonomie des universités et des facultés, car c'est l'autonomie des universités qui permet que les étudiants, avec les enseignants, puissent effectivement faire que leurs décisions soient traduites dans les faits. Troisièmement, l'extension de la lutte à l'ensemble des secteurs qui diffusent l'idéologie dominante, c'est-à-dire l'information, que ce soit la presse parlée ou la presse écrite, et les activités culturelles, en particulier dans tout ce qui concerne les maisons des jeunes et les maisons de la culture, et toutes les activités artistiques. Et quatrièmement, la jonction réelle avec les luttes ouvrières et paysannes en soutenant toutes les manifestations ouvrières et paysannes qui ont lieu actuellement et en particulier dans les usines Renault ou ailleurs, ces importants mouvements de contestation et d'occupation des usines. Ce matin, à la suite d'un coup de fil de Cléon à 8h... Cléon étant l'usine Étant l'usine qui se trouve à proximité de Rouen. Nous avons appris que les ouvriers de Cléon étaient en grève depuis hier après-midi en grève illimitée. Ces ouvriers ont même séquestré le directeur. Il est encore... Il est encore sur les verrous. Est-ce que les autres usines Renault vous suivent? Actuellement, dans les dernières informations qu'on a eues, à Billancourt, les ébrayages ont commencé. Et à Cléon, comme les camarades viennent de le dire, Sandouville, Cléon, certainement Le Mans. Le Mans est paralysé. Le Mans est complètement paralysé. Plein est complètement paralysé. On peut dire. Cléon complètement paralysé. Et je pense que Billancourt en fera de même. Vous envisagez donc une paralysie totale de la régie Renault? Exactement. En tous les cas de cause, jusqu'à maintenant, ça s'est passé très calmement. Ouais. S'il n'y avait aucune force d'ordre en face de nous. Mais si les forces, si le gouvernement envoyait les forces de l'ordre, CRS et compagnie, on ne pourra absolument pas retenir les gars. Les comités d'occupation et de coordination de l'Université autonome et populaire de la Sorbonne communiquent qu'ils maintiennent fermement les mots d'ordre de manifestation en direction des usines de Renault Billancourt. En dépit des manœuvres des bureaucraties syndicales et de la CGT, et en accord avec l'Union nationale des étudiants de France et le syndicat national de l'enseignement supérieur. Je me trouve maintenant devant Renault et devant les pancartes, les 40 heures ou la mort de l'armure. Le bambelon. Ensuite, tous en grève. Syndiqués, CGT, CFT, CFO, restons tous unis. Assez nous voulons vivre. Et d'ailleurs, les travailleurs sont assez braqués contre les journalistes. Pas d'accord pour la télé et la radio. 17 mai. Et même Luxembourg, ça soit Monte-Carlo, Luxembourg et tout le monde. Je suis français, je crois. Non, faut pas qu'il en vive. Allez-y, il partira, va. Non, c'est pas la peine, on te l'a dit là-haut, c'est pas la peine. Tu reviens demain. J'attends quand même le cortège des étudiants. Ils sont partis, tiens, ils sont partis. Il y a encore quelques... ils sont une dizaine seulement. Il y en a 2000 qui arrivent de la Sorbonne, les gars. On était parfaitement conscients que seuls les étudiants, une partie de la jeunesse intellectuelle, quelques enseignants, etc. Bon, ça suffisait pas. On était un révélateur, on était quelque chose qui explosait, mais tout le reste, c'était énorme. Et quand les grandes grèves ouvrières ont commencé à se déclencher, il y avait une aspiration fabuleuse, énorme, pour aller trouver ceux qui, dans nos esprits, étaient les dépositaires légitimes du droit de faire la révolution. Quand on a entraîné le défilé de la Sorbonne jusqu'aux usines Renault, on se faisait vraiment pas trop d'illusions. On savait comment tout ça était absolument cadenassé. Et l'accueil, bon, nous a tous déçus, mais bon, parce que c'est jamais très agréable. Mais je veux dire, certainement, plus d'autres que nous, parce que bon, on s'y attendait un peu. Maintenant, il faut encore faire attention, hein. Je veux dire, on n'a pas eu un accueil officiel avec des fleurs, mais puisque tout était barricadé, la plupart des ouvriers nous regardaient des fenêtres et des toits. Il n'y avait pas non plus une hostilité énorme, hein, en dehors de l'appareil syndical qui était là pour empêcher le cancer de se développer chez les ouvriers, le cancer étudiant, enfin de la révolte. C'était pas non plus, je veux dire, une tollée de sifflets, pas du tout. C'est difficile à savoir ce qui se passait dans la tête des gens, mais c'était plus une interrogation mi-admirative, mi-craintive. Hein. Et il y avait les deux qui jouaient. Il y avait les impulsions premières qui étaient quand même, c'est bien ce que font les étudiants. Et puis il y avait toute la propagande préalable qui avait été faite par la direction de la CGT, méfiez-vous d'eux. Fenêtre au premier étage de la régie, les silhouettes des ouvriers de l'Arnur. Policière, le cortège des étudiants n'entrera pas dans l'usine Renault. Telles sont les consignes syndicales qui ont été données. On arrive devant Billancourt et les portes sont complètement fermées, sont complètement gardées. Je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien, effectivement, des portes fermées et avec les ouvriers CGT qui étaient au-dessus et qui disaient non, on ne rentre pas. Et on s'y attendait un peu, je veux dire, on savait un peu justement ce qu'était la position de la CGT là-dessus, mais on a fait quand même la manifestation, pour d'une part pour montrer la volonté que nous avions, et puis d'autre part pour que si refus devait y avoir, qu'effectivement, il y a refus, quoi. Bon, il fallait bien faire l'expérience, il fallait bien essayer. Monsieur Segui, quelle est la position de la CGT à l'égard du mouvement étudiant ? Nous avons affirmé notre solidarité pleine et entière dès le début du mouvement des étudiants et surtout après qu'ils aient été victimes de brutalité policière. Nous continuons à être solidaires des objectifs revendicatifs des étudiants et des enseignants en lutte. Mais nous ne cachons pas notre opposition à toute intervention visant à contester aux militants ouvriers la responsabilité de la direction des grèves des travailleurs. Nous n'entendons pas nous substituer aux militants, des étudiants et des enseignants pour diriger leur lutte, mais nous entendons prendre nos responsabilités pour ce qui concerne les travailleurs. Que pensez-vous justement de certaines initiatives qui ont été prises? Je pense par exemple à la marche sur Billancourt. Elles sont de nature à compromettre justement cette solidarité à laquelle nous donnons tant entre les travailleurs et les étudiants. Ne souhaitons pas qu'elles se renouvellent. On ne les a pas autorisés à pénétrer dans l'entreprise. Ce qu'ils voulaient faire, ils voulaient pénétrer dans l'entreprise. Renault avait déjà commencé la lutte. Dans plusieurs centres de la régie, l'effervescence avait abouti à l'arrêt du travail avec l'occupation des usines. Et nous avions quelques raisons de redouter, compte tenu des déclarations qui étaient faites de ci, de là, par des irresponsables, que l'entrée en masse d'étudiants dans la régie donne lieu à des incidents, y compris des actes de sabotage du matériel de production. Et ça ne peut pas marcher avec les travailleurs qui, dans toutes les grèves, ont prouvé à quel point ils ont le souci la préservation des moyens de production, puisqu'on a vu comment les travailleurs, toutes les usines occupées, se sont préoccupés d'un bout à l'autre de la grève, d'entretenir tous les moyens de production prêts à redémarrer dès que le conflit serait arrêté, d'assurer la sécurité des installations, et ça avec des étudiants qui prétendaient casser les machines pour planter des cannes à sucre sur le territoire de la régie Renault. Il ne pouvait pas être question pour les militants ouvriers de chez Renault, qui n'ont pas demandé conseil à la Confédération pour savoir ce qu'ils devaient faire, de laisser envahir les usines par des jeunes étudiants qui n'avaient pas le même respect pour le travail manuel que les ouvriers qui étaient en lutte. Réponse d'Alain Gesmard. Je pense que pour nous, cette journée est un des plus grands succès que nous ayons remporté depuis longtemps, parce que nous avons vu le passage de la solidarité quelque peu mystique entre la classe ouvrière, les étudiants et les universitaires se traduire de façon concrète. Mais malgré tout, un point, à Billancourt, vous n'étiez pas très nombreux. Pourquoi ? C'était parfaitement volontaire. Nous avions donné comme consigne de maintenir pendant ce temps l'occupation des facultés, d'une part, et d'autre part, nous avons voulu tenter très sérieusement, essayer de réaliser une véritable fraternisation, un débat, un dialogue, des discussions sur place entre ouvriers et étudiants. Et cela, nous n'aurions jamais pu le réussir si les gens y étaient allés en cortège très nombreux, ou même sans y aller en cortège, s'ils avaient été trop nombreux sur place, il y aurait eu probablement des réactions de blocs qui se seraient regardées, quelques discussions timides. Mais là, le fait que les étudiants et les enseignants étaient finalement peu nombreux, quelques milliers, a permis cette fraternisation que je crois tous les observateurs ont noté sur place. Les gens qui venaient du Quartier Latin, le mouvement s'est trouvé face à un autre mouvement. Mais un mouvement qui, lui, était enclos dans les murs de l'usine, fermé, et puis tout au long des grilles, oh, il n'y avait pas de policiers, non, il y avait la CGT, c'était beaucoup plus simple. Alors, bon, la CGT n'est pas seule responsable, c'est dans la mesure où si les travailleurs de Renault avaient vraiment voulu profondément que l'échange se fasse, les portes auraient été ouvertes. Cette nuit, des étudiants sont venus vous voir, ont voulu vous rencontrer. Mais vous n'avez pas voulu les recevoir. Ben, lorsqu'on a appris par la radio et à plusieurs reprises dans la nuit que des milliers d'étudiants se dirigeaient vers les usines Renault, nous avons eu un certain nombre de craintes. Responsable CGT. Notamment celle qui aurait pu consister pour le pouvoir à utiliser cette initiative pour déformer le sens de notre action. Nous avons eu peur, par exemple, que dans l'opinion publique, on puisse penser que les travailleurs de chez Renault avaient débrayé essentiellement pour la solidarité avec les étudiants. Or, il y a des revendications bien précises, établies sur 4 points, qui sont à l'origine de cette action. Nous sommes solidaires des luttes des étudiants, comme nous pouvons être solidaires des luttes des paysans en Bretagne, par exemple. Seriez-vous prêt à suivre certains étudiants qui veulent restructurer la société, réformer la société? Bon, nous, on n'est pas prêts à suivre les étudiants. Pour ce qui nous concerne, nous avons un programme à la CGT qui est clair par rapport à la perspective d'avenir. Il s'agit pour nous de participer et de contribuer à l'union des forces démocratiques en France sur un programme commun clair qui comporte les revendications de la classe ouvrière, autant dans le domaine social qu'économique, et notamment ce qui concerne les nationalisations des industries clés de l'économie. Nous pensons qu'avec les revendications dans ce programme et des mesures efficaces pour donner les moyens aux forces de gauche de mener à bien une politique sociale, il y a là des bases claires par rapport à l'avenir et pour réformer, si vous voulez, le régime actuel et le placer sur des bases plus à gauche, beaucoup plus à gauche. C'était Chronique de mai, une série de Dominique Chagnelot. Aujourd'hui, 3e émission, étudiants et ouvriers. Groupe de réalisation, Anna Sibert, Arlette Adrian, Claude Niort. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.